Chapitre 6e. Dès le même jour, je voulus travailler à former la grande confédération que j'avais méditée. Mon père venait de sortir. Je demandai M. Persson. Il était allé promener aussi. Il ne rentra qu'un peu tard et vint à moi d'un air triomphant. « Monsieur, vous avez entendu ce matin monsieur votre père. Il m'a remis sur vous un absolu pouvoir. Monsieur Persson, vous m'envoyez ravi. Je suis en effet trop heureux d'avoir un gouverneur tel que vous. Un gouverneur complaisant, honnête, indulgent surtout. Monsieur, je savais bien qu'un jour vous me rendriez justice. Un gouverneur plein de politesse et d'aménité. Vous me flattez, monsieur. Un gouverneur qui sent bien qu'un enfant de 16 ans ne peut être aussi raisonnable qu'un homme de 35. Assurément. Un gouverneur qui connaît le cœur humain. Cela est vrai. Et qui excuse dans son élève un doux penchant que lui-même il éprouve. Je ne comprends pas trop. Asseyez-vous, monsieur Persson. Nous avons à traiter ensemble une matière fort délicate qui mérite toute votre attention. Parmi tant de qualités qui brillent en vous, et dont j'aurais pu faire une énumération plus longue, si je n'avais craint de blesser votre modestie, parmi tant de qualités, il faut vous le dire franchement, monsieur Persson, j'ai cru m'apercevoir qu'il vous en manquait une, qu'on dit fort importante, mais que je regarde comme assez inutile, moi, celle de savoir enseigner. Monsieur, mais je ne dis pas cela pour vous mortifier. Je suis très persuadé que ce n'est pas l'érudition qui vous manque. Mais on voit tous les jours des gens aussi malheureux qu'habiles, qui enseignent très mal ce qu'ils savent très bien. Vous êtes dans ce cas-là, monsieur Persson, et à cet égard, pour me servir des expressions dont usait le fameux cardinal de Ré, en parlant du grand Condé, vous ne remplissez pas votre mérite. Oh, monsieur, la citation n'est pas tout à fait juste, je le sens bien. Vous n'êtes point conquérant, vous. Vous n'avez pas une armée à conduire. J'ai encore remarqué, monsieur Persson, que votre attachement singulier pour tout ce qui porte le nom de Faublas vous a mené trop loin. Comment ? Oui, cette extrême affection que vous portez la famille en général, vous ne l'avez pas également reversée sur chacun de ses membres. Je n'entends pas. Tenez. Vous avez pour ma sœur des airs de prédilection. Le baron appellerait ça de l'amour. La difficulté que vous éprouvez à enseigner, il la nommerait ineptie. Ce que je vous dis est exact. Si j'instruisais le baron de ces petits détails-là, vous ne resteriez pas 24 heures dans cet hôtel. Ce serait un grand malheur pour moi, monsieur Persson, et un plus grand malheur pour vous. Je sais que beaucoup de petits abbés, qui ont moins de mérite que vous, trouvent des élèves et même les conservent. Mais tant d'autres aussi végètent sans emploi. Vous seriez peut-être réduit à recommencer le rudiment et la grammaire, avec les enfants gâtés d'un notaire marguillier, d'un marchand presque échevin, ou de quelques gros employés, tous gens trop fiers pour envoyer messieurs leurs fils à l'université. Je veux vous épargner ces désagréments-là, monsieur. Je sens qu'il serait dur pour le gouverneur d'un noble de devenir le précepteur d'un roturier. Je ne prétends pas changer votre condition, mais la rendre meilleure. Au lieu de diminuer vos émoluments, je vais les augmenter. Monsieur, je suis très sensible. J'ai toujours bien dit que chez vous, les qualités du cœur... Oh, les qualités du cœur. Oui, mon cher gouverneur, j'ai un cœur extrêmement bon, extrêmement sensible. Vous savez que j'adore Sophie. Mon père veut m'empêcher de la voir. Mais au fond, a-t-il tort? Comment, monsieur, s'il a tort? Mais vous n'avez donc pas compris ce que je vous ai dit? Pas très bien. Je vais m'expliquer clairement. Si vous m'êtes contraire, je déclare au baron tout ce que je sais sur votre compte, on vous congédie, on me donne un autre gouverneur. Si vous voulez me servir, monsieur Persson, vous savez quelle somme le baron me donne par an pour mes menus plaisirs. Je vous en livre la moitié, et voilà un acompte. Je lui présentai 6 louis. De l'argent, monsieur? Fi donc, me prenez-vous pour un valet? Ne vous fâchez pas. Je n'ai pas voulu vous offenser. J'ai cru... Je remis les 6 louis dans ma bourse. Monsieur, j'ai beaucoup d'amitié pour vous, et ce n'est pas l'intérêt. Vous l'aimez donc bien fort, mademoiselle de Pontis. Plus que je ne saurais vous le dire. Et que voulez-vous que je fasse à cela, moi? Je vous demande seulement de prendre autant de peine pour détourner l'attention du baron que vous en auriez pris à me tourmenter. Monsieur, vous n'avez sur mademoiselle de Pontis que des vues honnêtes, légitimes. Je serais un monstre si j'en avais d'autres. foi de gentilhomme, Sophie sera ma femme. En ce cas, je ne vois pas d'inconvénient. Il n'y en a pas. Je n'en vois aucun. Monsieur, pour une chose si simple, vous me proposez de l'argent. Recevez mes excuses. De l'argent, fi donc. Quelques présents, passe. J'ai demeuré 2 ans chez Monsieur L. Il me faisait de temps en temps quelques cadeaux. Ses enfants m'en faisaient de leur côté. Tout cela s'arrangeait assez bien. Un présent s'accepte. Ainsi, Monsieur Persson, voilà qui est dit. Je puis compter sur vous. Assurément. Écoutez donc, mon cher gouverneur. J'ai une observation à vous faire. Si ce que vous sentez pour Adélaïde est en effet de l'amour, ne croyez pas que je l'approuve, au moins. Celui dont je brûle pour Sophie est innocent et pur comme elle. Celui que vous éprouveriez pour ma sœur, Monsieur Persson, prenez-y garde. Je suis très convaincu que la vertu d'Adélaïde la défendrait contre les entreprises d'un suborneur. Mais ces entreprises mêmes seraient un affront. Un affront que tout le sang du coupable n'expirait que faiblement. Monsieur, soyez tranquille. Je le suis. Monsieur, comptez sur moi. Mon cher gouverneur, j'y compte. Persson sortait. Il revint pour me dire que dans l'après-dînée, il avait été au couvent de la part du baron. Au couvent, pour quoi faire? Pour défendre expressément à Mademoiselle Adélaïde de paraître au parloir, quand vous irez seul la demander. Vous l'avez vue, Adélaïde? Oui, monsieur. Elle ne vous a rien dit? Ah, qu'elle était bien fâchée de cette défense. Rien de plus? Rien du tout. Et Sophie, avez-vous demandé comment elle se portait? Beaucoup mieux depuis midi. Et à quelle heure avez-vous été au couvent? À 5 heures à peu près. Il y a environ 4 heures. Bien, fort bien. Persson s'en alla. Beaucoup mieux depuis midi. C'est l'heure à peu près à laquelle elle a reçu ma lettre. Sophie, ma chère Sophie, ne te hâteras-tu pas de me répondre? Adélaïde, tu dois être bien contente. Ta bonne amie est déjà guérie. Et dans les transports de joie que me causait la nouvelle d'une cure aussi prompte, je me mis à faire des sauts, des gambades, au bruit desquels accourut Jasmin. J'achevais un superbe entrechat quand il entr'ouvrit la porte. « Monsieur, je vous demande excuse, j'entendais un tel vacarme, j'étais inquiet. »« Jasmin, allez tout de suite chez le comte de Rosembert et priez de passer ici demain matin sans faute. » Rosembert n'y manqua pas. De tous les événements de la veille, je ne lui racontai que ceux qui se rapportaient à Sophie. Il me rappela en riant que ce n'était pas la jolie cousine qui était dans mon cabinet. Je voulus éluder, le comte me pressa si vivement qu'il fallut tout avouer. C'est une femme bien étonnante que la marquise de B, me dit-il alors. Personne ne sait comme elle commencer agréablement une intrigue, la filer vite, brusquer le dénouement, qui ne lui déplaît pas, et que même on peut croire nécessaire à sa constitution. Personne ne possède mieux le grand art de retenir l'amant heureux, de supplanter une rivale dangereuse, ou, quand la chose est impossible, de tenir du moins la balance incertaine. Cette femme-là sait varier les plaisirs, de manière qu'avec elle, et pour elle, un amour de 6 mois est un amour nouveau. Elle se plaît à braver les hasards et à lutter contre les événements. Aussi le sentiment de sa force l'emporte-t-il quelquefois trop loin. Quelquefois il arrive que toute son adresse ne peut lui épargner les désagréments d'une démarche trop imprudente. Dans son aventure avec nous, par exemple, voilà 2 terribles scènes qu'elle a essuyées. La première, c'est moi qui l'en ai tourmentée, et en conscience, je la lui devais. Hier, elle est venue très inconsciemment chercher ici la 2e. Et le hasard peut-être lui garde la 3e. Mais n'importe, la marquise, toujours supérieure aux petites mortifications, accoutumée à considérer froidement, sous tous les rapports, les événements les plus fâcheux, la marquise tirera de ses malheurs même un avantage contre ses ennemis, contre sa rivale et contre vous. Contre sa rivale? Ah, Rosembert, Sophie sera toujours préférée. Mais que dites-vous de ma jolie cousine qui ne répond pas? Attendez donc qu'elle ait dormi. Ne vous souvenez-vous pas qu'il y a 8 jours qu'elle n'a fermé l'œil? Votre lettre l'a doucement bercée. Mais laissez-la donc goûter son bonheur. Savez-vous de quoi nous devons nous occuper? Non. Il faut aller chercher quelques bijoux pour le cher gouverneur. Il vous a dit qu'un présent s'acceptait. Vraiment, oui. Mais si je sors et qu'il me vienne une lettre de Sophie? On fera attendre la vieille messagère. Eh bien, allons donc vite. Vous oubliez votre chapeau. Vous avez raison, répliquai-je d'un air distrait, et j'allais m'asseoir. Rosembert me prit par le bras. Où diable êtes-vous? À quoi rêvez-vous? Je songeais à ce pauvre vicomte de Florville. Qu'elle doit être affligée, la marquise. Rosembert, croyez-vous qu'elle m'écrira? Nous parlons de la marquise à présent. Oui, mon ami. Eh bien, mon cher Faublas, je crois qu'elle ne vous écrira pas. Vous croyez ? Cela est très vraisemblable. La marquise s'est déjà consultée sur votre situation présente et sur la sienne. En femme bien apprise, elle a sans doute compris que vous ne pourriez vous dispenser de venir à elle. Elle n'ira point à vous, elle vous attendra. Soyez sûr qu'elle vous attendra. Je sonnai Jasmin. Mon ami, tu connais l'hôtel du marquis de B, tu connais Justine. Prends un habit bourgeois, va demander Justine, et tu lui diras que tu viens de ma part savoir comment se porte madame la marquise. Rosenberg, qui riait de toutes ses forces, me dit « Ah, c'est que vous croyez qu'il ne serait pas poli de la faire attendre. Mais dites-moi, vous désiriez une lettre de Sophie ?»« Sans doute. »« Jasmin, nous allons à deux pas. Tu ne sortiras que quand nous serons rentrés. Jasmin, de la discrétion, je compte sur toi. On nous fait la guerre. L'ennemi est là-bas. En garde, mon ami, en garde. »« Oh, monsieur, dans toutes mes maisons, j'ai toujours été du parti des enfants contre les pères. »« Bien, mon ami. » Sois sûr que je te récompenserai quand je serai marié avec elle. » J'achetai une bague assez belle, mais quand il fut question de nous en aller, je ne pus jamais arracher Rosenberg de la boutique. La bijoutière était jolie. À mon retour, Jasmin me remit une lettre. La vieille n'avait pas voulu seulement s'asseoir parce qu'on lui avait défendu d'attendre la réponse. Qu'on juge de ma douleur en lisant ce qui suit. « Si je n'avais vu mon nom 20 fois répété dans votre lettre, monsieur, je n'aurais jamais pu croire qu'elle me fût adressée. Je n'imaginais pas que quelques mots échappés sans conséquence, recueillis au hasard par ma bonne amie, dussent être interprétés par son frère d'une manière si étonnante. Je n'imaginais pas que mon jeune cousin, qui se disait mon ami, dût me traiter jamais d'une façon si injurieuse. Qui vous a dit que je vous aimais, monsieur ? Adélaïde ? Elle n'en sait rien. Qui vous a dit que ces mots, cruels, ingrats, je ne le reverrai de ma vie, vous fussent adressés ? Qui vous a dit que je mourrais de chagrin parce que vous ne m'aimiez pas? Si cela était, monsieur, il n'y aurait que moi qui pusse le savoir. Vous l'ai-je dit, moi, monsieur? Et vous avez l'air d'être sûr de votre fait. Vous aimez quelqu'un et vous me dites que vous m'aimez parce que vous croyez que je vous aime. Vous pensez donc me faire une grâce quand vous me demandez mon cœur et ma main? Monsieur, si je suis assez malheureuse pour n'inspirer jamais que de la compassion, je serai du moins assez sage pour ne pas aimer, ou assez discrète pour cacher mon amour, et certainement jamais l'amant d'une autre ne sera le mien. Maintenant, c'est à vous et pour vous que je dis ces mots. Je ne vous reverrai jamais. Ma famille vaut bien la vôtre, monsieur, et vous devez me savoir quelque gré de ne pas pousser plus loin le ressentiment de l'outrage que vous n'avez pas craint de me faire. » Cette fatale lettre n'était pas signée. Le chagrin dont elle me pénétra est plus facile à imaginer qu'à décrire. Sophie ne m'aimait pas. Sophie ne voulait plus me voir. Je tombai dans un accablement profond, dont je ne sortis que pour verser un torrent de larmes. Si du moins Rosenberg était là, il m'aiderait de ses conseils, il me donnerait quelques consolations. Je me levai brusquement, j'essuyai mes yeux, je volai chez la bijoutière. Elle n'était plus au comptoir. Rosenberg n'était plus dans la boutique. Je parus si fâché de ce contretemps qu'une demoiselle de magasin eut pitié de moi. Elle me dit que si je voulais entrer au café de la Régence, qu'elle me montra à 10 pas de là, elle irait avertir le comte qui n'était pas loin et qui ne manquerait pas de me rejoindre dans une demi-heure au plus tard. J'entrai dans ce café de la Régence. Je n'y vis que des gens profondément occupés à préparer un échec et mat. Hélas, ils étaient moins recueillis, moins rêveurs, moins tristes que moi. Rosenberg entra. Nous nous sauvâmes au Palais Royal. Je pris Rosenberg à l'écart, je lui montrai la lettre de Sophie. « Et voilà ce qui vous afflige ?» me dit-il après l'avoir lue. « Mais vous devriez baiser 100 fois cette lettre-là. »« Ah, Rosenberg, est-ce donc le moment de plaisanter ?»« Je ne plaisante pas, mon ami, vous êtes adoré. »« Mais vous n'avez donc pas lu ?»« J'ai lu et je vous répète que vous êtes adoré. »« Rosenberg, nous sommes mal ici, revenez chez moi. »« Savez-vous bien, reprit le comte, qu'elle est assez bien tournée, sa douce épître. » Oh, la jolie cousine ne vous aura pas écrit 10 fois que vous trouverez son style tout à fait formé. Rosenberg, que vous êtes cruel avec votre gaieté. Jasmin rentrait chez moi en même temps que nous. Il me dit qu'il venait de chez madame la marquise. Eh bien, monsieur, j'ai parlé à mademoiselle Justine. Elle m'a fait attendre assez longtemps. Et elle est enfin revenue me dire que madame était très sensible à votre attention. Que madame s'était sentie fort incommodée hier en rentrant. Que le docteur lui avait trouvé un peu de fièvre ce matin. Voyez, Rosambert, voyez comme je suis malheureux. Elles ont toutes deux la fièvre en même temps. Celle que j'adore ne veut plus me voir. Et je ne verrai pas aujourd'hui celle qui m'amuse, ajouta le comte en me contrefaisant. Pauvre jeune homme, que je le plains. Mon cher Faublas, consolez-vous. Pour guérir les maux que vous avez causés, vous serez tout seul plus docteur que tous les docteurs de la faculté. Mais quoique la maladie de la jolie cousine soit à peu près celle de l'aimable marquise, je prévois cependant qu'il y aura quelques différences dans le traitement. On cherchera dans les yeux de la jolie demoiselle s'il n'y a pas quelque reste d'émotion. On prendra sa main pour tâter le pouls qui pourrait être un peu élevé. Peut-être même qu'il faudra voir si sa bouche n'a rien perdu de sa fraîcheur. Mais pour la belle dame, oh, l'examen sera plus long, plus sérieux. Vous serez obligé de la considérer de plus près, et plus généralement de la tête aux pieds, mon ami. Je crois même que la méthode de ce monsieur Mesmer... Oui, chevalier, oui, un peu de magnétisme. De grâce, trêve de plaisanterie, Rosambert. Occupez-vous avec moi de Sophie. Tâchons d'abord de découvrir ce qui m'a valu cette cruelle lettre. Voyons ensuite par quels moyens je pourrais avoir une entrevue, une explication avec ma jolie cousine. Très volontiers, mon cher Faublas. Commençons par appeler Monsieur Persan. Mon père entra comme Rosambert sonnait. Il répondit froidement aux politesses du comte et m'annonça d'un ton assez brusque que j'allais sortir avec lui. « Les chevaux sont mis, » ajouta-t-il, et se tournant du côté de Rosambert. « Pardon, monsieur, mais l'heure me presse. »« Demain matin, de bonne heure, » me dit le comte en nous quittant. Je suivis le baron avec inquiétude.